On va faire une chanson électro. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Thomas, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle imitait du père, c'est la vie du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. On approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant que sauterait le papillon et de remettre la galinette. Ouais, quand le soleil à l'horizon profitait sur tous les buissons nos silhouettes. On revenait fort du content, le cœur un peu à content de n'être pas seul un instant avec cette petite Paulette. Prendre ce petit moment sa main, oublier un peu les copains, cette satanée bicyclette. On se disait c'est pour demain, je saurai demain quand on ira sur les chemins. La bicyclette avec Paulette. Poulet, tous poser nos bicyclettes. Paulette nous a dit attention, un par un, posez vos bicyclettes et sortez vos. Sacré Paulette. Allez, je vous souhaite un bon dimanche.